imaginait un syllogisme qui prendrait comme point de départ le principe suivant. Les fous nient leur folie. Vous aurez ainsi le point de départ du livre de Denis Lehan, paru en 2003, Shutter Island, qui est adapté au cinéma par Scorsese en 2010. Si les fous nient leur folie, celui qui dit ne pas être fou, ne l'est-il pas quand même? Le terme de fou est vague, souvent inapproprié, parfois indécent. Mais derrière la question de vocabulaire, la maladie du personnage principal du film, le maréchal Daniels, est-elle bien réelle? Ou fait-elle l'objet d'une machination visant à le tenir pour fou pour mieux en venir à bout? Le film s'ouvre sur un bateau, en pleine mer déchaînée, qui transporte celui qui est ou n'est pas fou et que je vous propose de rejoindre après avoir entendu ce texte de Michel Foucault. Un objet nouveau vient de faire son apparition dans le paysage imaginaire de la Renaissance. Bientôt, il y occupera une place privilégiée. C'est la nef des fous, étrange bateau ivre qui file le long des calmes fleuves de la Rhénanie et des canaux flamands. Confier le fou à des marins, c'est éviter à coup sûr qu'il ne rôde indéfiniment sous les murs de la ville. C'est s'assurer qu'il ira loin, c'est le rendre prisonnier de son propre départ. Mais à cela, l'eau ajoute la masse obscure de ses propres valeurs. Elle emporte, mais elle fait plus, elle purifie. Et puis la navigation livre l'homme à l'incertitude du sort. Là, chacun est confié à son propre destin. Tout embarquement est en puissance le dernier. C'est vers l'autre monde que part le fou sur sa folle nacelle. C'est de l'autre monde qu'il vient quand il débarque. Cette navigation du fou, c'est à la fois le partage rigoureux et l'absolu passage. L'eau et la navigation ont bien ce rôle. Enfermé dans le navire, dont on n'échappe pas, le fou est confié à la rivière aux mille bras, à la mer aux mille chemins, à cette grande incertitude extérieure à tout. Il est prisonnier au milieu de la plus libre, de la plus ouverte des routes, solidement enchaîné à l'infini carrefour. Il est le passager par excellence, c'est-à-dire le prisonnier du passage. Et la terre sur laquelle il abordera, on ne la connaît pas. Tout comme on ne sait pas quand il prend pied de quelle terre il vient. Il n'a sa vérité et sa patrie que dans cette étendue inféconde entre deux terres qui ne peuvent lui appartenir. Bonjour Jean-Philippe Domecq, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Adèle Van Riet et merci de votre invitation. C'est un plaisir de vous recevoir, enfin non bien sûr vous êtes chez vous, je suis chez moi, mais quand même de vous accueillir dans l'émission pour parler de Shutter Island. Vous êtes essayiste et romancier, vous êtes l'auteur d'un roman de grand confinement qui s'appelle Deuxième Chambre du Monde aux éditions Serge Safran. Vous allez faire paraître un recueil de votre travail critique cinématographique à la revue Positif aux éditions Pocket fin août. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que ce texte de Foucault fonctionne comme une clé de lecture qui nous sera bien utile pour parler de Shutter Island ? Complètement. La réflexion de Michel Foucault, surveiller et punir, est superbement illustrée par ce film de Scorsese, qui est un film sur un certain moment de la psychiatrie, où on essaye de passer de l'intervention chirurgicale à l'intervention des neuroleptiques. Et le texte de Foucault situe la chose sur une nef des fous. Et tandis que Shutter Island, c'est une île carcérale qui a réellement existé comme lieu d'expérimentation cette époque de la psychiatrie du milieu des années 50. Je rappelle d'ailleurs que en 1957, mourra Wilhelm Reich, grand psychanalyste, auteur de La fonction de l'orgasme. Il mourra en pénitencier, donc je trouve que c'est très cohérent par rapport à Shutter Island, pour avoir fait des expérimentations qu'il considère comme libératrices sur la fonction de l'orgasme. Et malgré tout, la société, comme dirait Foucault, la société a trouvé que ces expérimentations étaient trop dangereuses comme mode de libération. Et donc il a quand même fini dans un univers carcéral, ce libérateur. Donc il y a là une cohérence parfaite avec ce qu'avait élaboré Michel Foucault, oui. Quand on vous a proposé de participer à cette série d'émissions sur le cinéma de Martin Scorsese, Jean-Philippe Domecq, vous avez immédiatement répondu que vous vouliez parler de Shutter Island. Pourquoi ce film en particulier vous intéresse-t-il autant ? Oui, votre question est d'autant plus juste que j'aime énormément l'ensemble de l'œuvre de Scorsese, puisque j'avais écrit, je crois que c'est le premier livre sur lui en 1985. Donc j'avais le choix entre tous ces films. Mais Shutter Island, parmi ses derniers films, hein, il date de 2010, est le film qui m'a le plus intimement broyé en raison de son contexte historique. Et c'est mon entrée dans ce film que je vous résume d'emblée, au fond. Comme vous l'avez dit en présentant le film et l'émission, tout va tourner autour de des fous qui nient leur folie. C'est apparemment l'interprétation dominante à propos du film. Et moi, je l'ai pas du tout vu comme ça. Je l'ai vu comme un film de fiction, sans doute la première fiction d'un Américain, qui montre ce que cela fut plutôt, de découvrir pour la première fois le crime contre l'humanité. Car il ne faut pas oublier que le personnage principal, génialement interprété par DiCaprio, Teddy Daniels, a fait partie de ces jeunes soldats qui sont arrivés au moment de l'ouverture des camps de concentration. Et là, il s'agit de Dachau. Et il y a des séquences particulièrement impressionnantes dans le film qui nous montrent ce que ça a été pour une conscience humaine jeune, pas préparé du tout par l'horreur absolue, par ce contact avec l'horreur absolue. Faut pas oublier que nous avons ce contact, nous avons connaissance des camps de concentration par les témoignages, par des films, par ce qui nous en est dit. Mais de l'avoir découvert sans avoir été aucunement informé, ça a été si effroyable que le général MacArthur, général, Dieu sait s'il était expérimenté, il en avait vu d'autres, s'est effondré, s'est retourné à pleurer, etc. Autre chose, des cinéastes ont été amenés à filmer les camps de concentration quand on y est arrivé. Des grands cinéastes, par exemple George Stevens, c'est mon ami Michel Simon, le directeur de la revue Positif, qui me le rappelait. George Stevens, qui avait été un grand auteur de films de comédies très brillantes, dont certaines produites par Mankiewicz, etc., et qui a filmé donc en documentaire la découverte des camps. Il s'en est pas relevé au point qu'il n'a plus fait aucune comédie. Ensuite, il a fait d'autres films, par exemple L'homme des vallées perdues, etc., mais il n'a plus pu faire une seule comédie. Donc, si vous voulez, il faut imaginer ce que ça a été pour une conscience humaine de découvrir cela. Et le personnage principal, ce jeune homme, eh bien, ensuite, il passera pour fou, mais il me semble que, pour une conscience humaine, d'avoir découvert cela, c'est l'humanité entière qui apparaît dans sa folie intrinsèque. Et donc, par rapport à ce que vous annonciez, des fous qui nient leur folie, c'est l'humanité entière qui nie sa propre folie. Et le film de Martin Scorsese nous montre peut-être que, justement, l'humanité fait passer pour fou celui qui n'a pas supporté ce qu'il a vu, et comme on le comprend. Il l'a si peu supporté qu'ensuite ça s'est traduit dans sa vie privée, dans son couple, avec une autre tragédie, cette fois intime, sa femme tuant ses enfants et lui tuant sa femme, etc. Mais le point de départ, me semble-t-il, c'est de ne pas pouvoir se relever de ce qui a été découvert au moment de l'ouverture des camps de concentration. Oui, c'est passionnant comme analyse et je me réjouis qu'on la développe ensemble ce matin, d'autant que le choc dont vous parlez, c'est absolument toute proportion gardée, celui du spectateur aussi qui regarde le film. C'est pas un film qui laisse indifférent. Et je dois confesser que lorsque j'ai revu ce film pour les besoins de l'émission, je l'avais vu quand il est sorti en 2010, et mon mécanisme de défense, comme dirait un des personnages du film, le psychiatre, était tel que j'avais oublié l'énigme du film, et en le revoyant, j'ai dû m'y prendre à deux fois, tellement le visionnage du film m'était insoutenable. C'est ce type de réaction que Shutter Island produit. Exactement. Et c'est, vous avez formulé la raison pour laquelle je vous ai proposé que nous l'abordions. C'est au fond une illustration, une réponse à la fameuse phrase d'Adorno, il n'y a plus de poésie possible après Auschwitz. Scorsese a réussi à l'aborder en créant un univers imaginaire extrêmement puissant, très exacerbé, Hein, il a poussé très loin, d'ailleurs, son art cinématographique, et Dieu sait si c'est un artiste absolument extraordinaire. Hein, c'est un des plus grands cinéastes, évidemment, des dernières décennies. Dans mon livre, d'ailleurs, sur lui, je dis qu'il est le Flaubert du cinéma. C'est-à-dire qu'il a vraiment un raffinement de moyens absolument extraordinaire. Et là, il a soufflé ses moyens de façon très paroxystique. Même la façon de montrer les camps dans cette où les corps sont pris dans la glace, dans cette atmosphère crépusculaire très studio, très artificielle en même temps, c'était peut-être la seule façon possible d'arriver à nous faire supporter la chose tout en en édulcorant en rien l'horreur absolue et le phénomène de conscience totalement grillée, qui est un électrochoc absolument majeur que l'humanité a infligé à l'humanité. D'ailleurs, au fond, je reviens sur votre phrase qui est très importante, parce que l'interprétation, en effet, dans l'ensemble pour ce film, c'est de dire que, au fond, il nie sa folie. Et tout le système carcéral et psychiatrique de Shutter Island, avec le docteur Cowley, magnifiquement interprété par Ben Kingsley, nous montre qu'on va essayer de convaincre cet homme de nier ce qu'il a vu, ce qu'il a compris. Et c'est l'humanité, à travers cette structure carcérale, qui va, au fond, le faire taire sur une vérité fondamentale que formule Pascal. Les hommes sont si fous qu'ils seraient fous de ne point vouloir être fous. Eh bien, lui, justement, vu ce qu'il a découvert, jusqu'où va la folie humaine, on est bien devant le crime contre l'humanité, hein, un indépassable. Nous sommes tous héritiers de cela, nous sommes tous les enfants de cela, rien ne sera plus comme avant. Je trouve que Scorsese, le fait qu'il ait abordé cela de cette façon-là, c'est quand même très courageux, très fort, très sombre, terrible, comme vous l'avez dit, terrible. Et d'ailleurs, votre réaction, quand vous dites que vous l'avez revu et que vous avez éprouvé cela, moi, à chaque fois, je l'éprouve de la même façon. Mais je peux vous livrer aussi le témoignage que vous connaissez peut-être de DiCaprio, qui d'ailleurs tient un de ses meilleurs rôles. C'est que DiCaprio, il a eu énormément de mal à se relever de ce tournage. Et non pas en raison de Scorsese, avec lequel il avait déjà plusieurs fois travaillé. Et Scorsese est vraiment très encourageant pour ses acteurs. J'ai vu avec De Niro aussi, etc. Mais là, DiCaprio confesse qu'il a été psychologiquement rincé. Il a eu beaucoup de mal à s'en remettre. C'est le cas de le dire, rincé, puisque commençons le film quand même. On se remet dans la place du spectateur qui allume son écran de télévision pour regarder ce film. On est sur un bateau et le texte de Foucault va ici prendre tout son sens. Foucault parlait du fou comme étant le passager par excellence qui voguait sur une eau trouble. C'est le cas des personnages principaux quand le film commence. On a le marshal Teddy Daniels, c'est donc Leonardo DiCaprio, accompagné d'un autre marshal qui vient l'aider, qui s'appelle Chuck, qui est joué par Mark Ruffalo. Ils sont associés pour mener une enquête. En fait, ils doivent se rendre sur Shutter Island car l'une des détenues, Rachel Salando, a disparu. Et donc, les deux marshals doivent débarquer sur cette île qui ressemble à une sorte de forteresse, qui abrite donc un hôpital psychiatrique, pour mener l'enquête. Je vous propose qu'on monte à bord du bateau pour les rejoindre et enquêter avec eux. Est-ce que vous êtes prêt, Jean-Philippe Domecq ? Oui, et d'ailleurs, le personnage Vomi, dans le roman de Denis Lehane, que vous citez à juste titre, car c'est un immense romancier de thriller psychologique, dans la mesure où ses intrigues sont d'une rigueur absolue, construite en bande de Moebius, et il explique dans le roman que son père avait été marin et qu'il n'avait jamais pu supporter la mer, etc. Ça commence par un vomissement, ce film. Alors, on va l'entendre, si vous le voulez bien. Enfin, le vomissement et toute la première voilà. Scène. La voici. Alors, ça va mieux, chef ? Oui, ça va. C'est l'eau. Je supporte pas l'eau. L'équipier qui m'en donnait, c'est vous ? C'est moi, ouais. Il y a de meilleures façons pour se présenter qu'avoir la tête dans les toilettes. Ouais, ça cadre assez mal avec Teddy Daniels, le maître, la légende, je vous l'accorde. La légende? Vous devez pas fumer que des cigarettes à Portland, dites-moi. Seattle. J'arrive tout droit du bureau de Seattle. Et de votre côté, vous êtes fiancé? Marié? Je l'ai été. Elle est morte. Mon Dieu, je... Ah, oh, vous en faites pas, allez. Il y a eu le feu dans notre immeuble pendant que j'étais au travail. 4 victimes en tout. C'est la fumée qui l'a tué, non le feu, et ça, c'est important. Oui, chef, désolé. Ils vous ont fait un topo sur cette institution avant votre départ? C'est un hôpital psychiatrique, on m'a rien dit d'autre. Un hôpital pour malades dangereux? Oui, si c'était que des gens qui entendent des voix et qui courent après des papillons, ils auraient pas besoin de nous. C'est là qu'on va? Oui. L'autre côté de l'île, il y a que des appics rocheux. De hautes falaises sans aucun rivage. Le débarcadère est le seul point d'accostage et de départ. On va reprendre le large aussitôt que vous aurez débarqué. Je vous remercierai de faire ça au pas de gymnastique. Pourquoi? La tempête approche. Martin Scorsese présente lui-même cette scène inaugurale dans une interview, c'était pour le magazine Première. Il dit « Les premières notes entendues ressemblent au son d'une corne de brume. Le morceau, Fog Traps d'Ingram Marshall, a une tonalité fantomatique tout en exerçant une étrange séduction. Qu'est-ce qui attire Teddy dans ce monde? La corne de brume? La mer elle-même? Le cri des mouettes? Tout est musique. » Et lorsque sur le bateau, Teddy fait face à son miroir et qu'il se rince le visage en se disant de se contrôler, la musique reflète dès le début l'impression qu'il est au bord de la dépression. Voilà tout le travail que l'on vient d'entendre, Jean-Philippe Demec, pour une fois, parler de cinéma à la radio. Enfin, pas pour une fois, mais là, ça a encore plus de sens parce que l'attention qui est ainsi accordée au son est tout à fait fidèle à la manière qu'a eu Scorsese de réaliser ce film. Oui, et d'ailleurs, Scorsese, qui est un très grand musicien au cinéma et conjugue dans ce film un grand nombre de musiciens majeurs, vous en avez cité un pour cette introduction, il y a Penderecki, qui d'ailleurs est décédé il y a 3 semaines, il y a Ligeti, Mahler, et 3 morceaux de John Cage, dont son hommage à Marcel Duchamp. Donc, il a choisi aussi une musique qui est très en résonance avec l'après-Auschwitz possible ou impossible. Et une autre chose qui est très frappante dans cette séquence, quand on voit l'île vers laquelle il va entrer, où il y a réellement cette célèbre forteresse, où il y eut réellement ces expérimentations psychiatriques. Denis Lehane s'était très bien renseigné, comme toujours, sur l'histoire de la psychiatrie aux États-Unis à l'époque. Eh bien, c'est l'île des morts, l'île des morts de Böcklin. Hein, on voit très bien cette arrivée, et Scorsese l'a fait plus ou moins consciemment. Ce qui est effrayant, c'est que l'île des morts de Böcklin, ce fameux tableau, était le tableau préféré d'Hitler. Normalement, les goûts d'Hitler étaient extrêmement stupides, on peut dire, au niveau de l'art. Et donc là, on voit bien donc que cette île, elle est d'une séduction mortifère et très ambivalente. Je dis séduction parce que malgré tout, ce plan d'arrivée, avec ensuite la caméra qui va longer le rivage et qui va arriver sur la Jeep qui arrive vers l'entrée du camp. Je dis bien le camp, hein, parce qu'il se présente comme ça, avec des grilles de tous les côtés. Eh bien, lorsque le personnage voit l'arrivée, voit l'entrée, on voit des barbelés partout, et il murmure à Chuck, j'ai déjà vu ça quelque part. Donc je crois qu'on est vraiment dans cette thématique de l'après-Auschwitz, en l'occurrence après Dachau. Ce qui met le personnage principal, encore une fois, dans la peau du fou que décrit Foucault, dans le texte qui a ouvert cette émission, hein, ce fou qui est prisonnier de son propre départ, et la terre sur laquelle il abordera, on ne la connaît pas, tout comme on ne sait pas quand il prend pied de quelle terre il vient. C'est exactement ce que ce personnage s'apprête à vivre. Oui, parce que on lui demande d'enquêter sur la disparition de Rachel Salando. On va s'apercevoir qu'il y a deux Rachel Salando, qu'il y en a une qui va réapparaître alors qu'on nous avait dit qu'elle avait fui. Il y a cette scène absolument extraordinaire où la première Rachel Salando jeune qui a tué ses deux enfants. Donc il y a un jeu d'écho évidemment avec la propre histoire du jeune Marshall Teddy Daniels incarné par DiCaprio. Et par là même, il va se retrouver pris dans ce jeu-là et peu à peu, sa biographie va se mêler à ce qui est le fil de l'enquête. Sauf que quand même, il nous est suggéré que lui, il a une autre idée en tête. Il vient pour enquêter sur des expériences qui sont faites dans ce lieu, dans cette forteresse, sur de grands criminels. Et ça, c'est avéré, ça c'est vrai. C'est là que vous voyez que la construction en bande de Moebius voulue par le romancier Daniel Ahern est très très bien reprise, très fidèlement d'ailleurs par Scorsese. Et finalement, il vient pour enquêter avec un motif narratif, mais en réalité c'est une histoire sur l'histoire de la psychiatrie qui est prise dans cette fiction et qui va réellement, sous le prisme de la fiction, nous montrer un certain nombre d'expérimentations qui sont avérées. Et ces expérimentations, on les entendra un tout petit peu plus tard, parce qu'au moment où le personnage débarque sur l'île, et même la première demi-heure, nous sommes aux côtés du Marshall qui enquête et qui se doute bien qu'il y a quelque chose de louche. Il veut enquêter aussi sur les conditions d'enfermement, sur la lobotomie dont il est dit qu'elle est pratiquée à cet endroit-là. Il essaye de s'échapper des bâtiments où il doit dormir et il se retrouve, on va entendre la scène, il se retrouve dans un cimetière, dans une sorte de chapelle, dans un cimetière, à côté de son compagnon d'enquête. Et c'est l'occasion pour lui d'un premier flashback. Il y en avait beaucoup plus dans le roman, Scorsese a réduit les flashbacks, d'un premier flashback qui va nous conduire justement à ses souvenirs dans le camp de concentration de Dachau, où il est arrivé trop tard et il s'en voudra toute sa vie de ne pas être intervenu à temps. Écoutez comment ce flashback est raconté, parce que c'est essentiel pour comprendre la psychologie du personnage, et écoutez aussi la musique qui est utilisée pour accompagner cet extrait. Donc il y a la symphonie numéro 3 de Penderecki et puis à la fin le quartet pour piano en la mineur de Mahler. So if Latus is here, what are you gonna do about it? I'm not here to kill Latus. If it was my wife, I'd kill him twice. Quand on est entré dans le camp à Dachau, les gardes SS se sont rendus. Le commandant a essayé de se tuer avant qu'on puisse l'arrêter, seulement... Il a salopé le travail. Il est mort qu'au bout d'une heure. Quand je suis ressorti, j'ai vu tous ces morts là, couchés par terre. Un nombre incalculable. Ça dépassait l'imagination. Alors les gardes se sont rendus, on leur a retiré leurs armes et on les a alignés. France Culture, les chemins de la philosophie et ses coups de feu viennent d'une scène du film Shutter Island de Scorsese dont nous parlons ce matin en compagnie de Jean-Philippe Domecq. Le personnage principal cherche quelqu'un, en réalité Jean-Philippe Demey, qui l'a dit au début de l'extrait, il s'agit d'un certain Ladis, dont il est sûr d'ailleurs que c'est l'assassin de sa propre femme, qui est morte, ça il nous l'a dit dès le début du film. Il cherche ce personnage, alors va-t-il le trouver, on le verra dans un instant, mais d'abord c'est à l'occasion de cette quête qu'il va se remémorer son passage au camp de Dachau, et cette scène-là, ce qu'on vient d'entendre, ça a été beaucoup reproché à Scorsese, on lui a reproché d'en faire trop, de mal montrer à l'image le pire, comment filmer un camp de concentration, hein, c'est un défi pour un cinéaste, de basculer du côté du kitsch, bref, de manquer de justesse à ce sujet. Et vous, vous semblez dire l'inverse, Jean-Philippe Demey, vous semblez dire qu'au contraire, cette manière qu'il a de montrer à l'écran les choses avec outrance est peut-être la meilleure façon de nous faire ressentir ce que le personnage ressent à ce moment-là ? Oui, parce que il a essayé de montrer cet événement aveuglant, et d'ailleurs, quand je dis aveuglant, le deuxième malaise qu'a le personnage dans le film, après le vomissement sur l'eau, c'est un flash qui il ne supporte pas la lumière, hein, dans l'appartement du docteur Cowley. Donc, si vous voulez, devant cet événement aveuglant, comment arriver à le montrer ? Il y a une sorte de blanc mental qui se fait pour nous. Souvenez-vous d'une autre expérience filmée, le procès de Nuremberg. Les Américains ont fait venir un grand metteur en scène, dont le nom m'échappe, je ne sais plus si c'est John Huston, je veux pas commettre d'erreur, mais enfin, ils ont eu l'intelligence de faire venir un grand metteur en scène pour filmer le procès de Nuremberg. Et donc, nous l'avons vu, ce film documentaire. On voit que quand sont montrées des séquences de sortie des camps, les dignitaires nazis, il y en a certains quand même qui ont le dos qui se cale contre le dossier. Quand même. Ça commence un tout petit peu à prendre conscience. Mais souvenez-vous, Adèle Van Rett, quand une des prisonnières des camps, je crois que c'est la sœur du général de Gaulle, qui évoque certaines choses que je peux même pas répéter, tellement c'est insoutenable. Moi, j'avoue que je n'ai pas réussi. Je m'effondre. Donc, imaginons ce que c'est pour ceux qui le découvrent, comme je le disais au début. Alors, qu'est-ce qu'a fait Scorsese ? Il a procédé par exacerbation. Il n'en a pas fait un opéra indécent, mais il a été obligé de passer par, l'artifice maximal du décor, la musique, la violence de la scène, le jeu de l'acteur, pour à la fois nous permettre d'affronter l'inaffrontable et en même temps montrer que, de toute façon, l'avoir perçu, ça se transforme tout de suite en des perceptions totalement exacerbées. Alors après, on aura beau jeu de dire que ce personnage est devenu fou. Il n'est pas contestable, d'ailleurs, dans l'intrigue, qu'il devient d'une certaine façon fou, même si ce mot est très incommode, comme vous le rappeliez dès le départ. Mais fou à très très juste titre. Au fond, on peut même dire que, après avoir vu ça, il est le seul à en avoir tenu compte. À avoir tenu compte de ce qui a été découvert en 44. Et à cet égard, Scorsese a fait ce pari, et il montre ce pari d'une exacerbation de la vision, de même que lorsqu'il évoque ensuite toutes les séquences traumatisantes du drame affectif qu'il a vécu avec son épouse Dolores, il procède de façon très exacerbée, avec des pétales ensanglantés dans la pièce entre lui et sa femme, le corps de la femme qui tout d'un coup devient cendre, le sang partout qui gicle, les corps des deux enfants qui apparaissent sur le tapis alors qu'ils ont été noyés. Je crois que c'est une façon au contraire de montrer de façon très homogène que les perceptions sont très gravement altérées lorsqu'on est devant quelque chose qui est un point aveugle de l'histoire humaine. Ce qui soulève des questions passionnantes, des questions entre la distinction entre l'intérieur et l'extérieur. Sommes-nous spectateurs dans la tête du personnage ? Quand sommes-nous dans la réalité, en fait, des événements? Quand sommes-nous dans ses propres hallucinations? Toutes ces questions, finalement, qui sont relatives à la perception, nous font vraiment rentrer dans la philosophie, en fait. Et Scorsese lui dit lui-même, il dit, nous nous sommes demandé comment passer du rêve à la conscience et inversement, et finalement, on a eu recours à des coupes au moment du montage. Ces coupes ont-elles un effet au niveau psychologique ou émotionnel? Quelles informations faut-il donner au spectateur lorsque le rêve commence? Et qu'est-ce qui vient en premier? La conscience de la pensée ou la pensée elle-même? Et ces questions sont posées comme telles dans le film. Et ce qu'il y a de glaçant, c'est qu'on n'a jamais la réponse. Mais c'est là qu'on voit que l'art est une, en l'occurrence le cinéma, ça pourrait être la littérature, la poésie, etc. C'est là qu'on voit que l'art est un outil de connaissance. C'est-à-dire que ce que dit Scorsese rejoint les réflexions philosophiques de toute l'histoire de la philosophie. Mais en même temps, il a eu une façon de procéder qui, comme vous le dites, restitue très bien que c'est pas seulement une question de frontière entre le réel et l'imaginaire. Non, non. C'est que le réel et l'imaginaire sont, je reviens sur cette image scientifique, sont un rapport d'intériorité à extériorité, comme dans la bande de Moebius. Et la bande de Moebius, juste précise, c'est cette espèce de ruban dont on ne connaît ni le début ni la fin, qui semble ne jamais s'arrêter dans une boucle perpétuelle. Oui, et qui forme une sorte de huit de l'infini, si l'on peut dire, hein, c'est peut-être ça l'infini d'ailleurs, c'est-à-dire que l'intérieur d'un côté se retrouve l'extérieur de l'autre, et ensuite, en tournant dans le huit de l'infini, vous voyez, redevient l'intérieur, redevient l'extérieur, puis redevient l'intérieur, etc. Donc, c'est une mise en abîme permanente. Et ce film est entièrement construit là-dessus. Et en ce sens, ça nous ramène à l'interrogation que pose Foucault, c'est-à-dire qui suis-je, pourquoi moi, à ce moment-là de l'histoire humaine, question que tout le monde se pose de façon plus ou moins explicite ou latente. Eh bien, en effet, nous sommes livrés à notre propre solitude pour décider de ce qui va être, de ce que nous allons tenir pour vrai et de ce que nous allons tenir pour faux. Or, le personnage incarne bien notre situation quotidienne, sauf que dans une situation exacerbée, comme on vient de le dire, pour des raisons historiques et pour des raisons évidemment ensuite privées, qui sont les conséquences de ce qu'il a vécu. Et c'est là que le rapport entre Teddy Daniels et le docteur Colley, qui incarne un psychiatre moderne pour l'époque, il reprend d'ailleurs les propos de Teddy Daniels quand il dit des criminels, il dit non, des patients, ce sont des patients pour moi, ce ne sont pas des criminels. Donc il y a une volonté de faire progresser le rapport des soins psychiatriques à ceux qui sont considérés comme malades. Mais en même temps, on va bien voir au fur et à mesure du film que lorsqu'il sent que Teddy Daniels est finalement là pour autre chose que pour une enquête de simple Marshall, mais que par ce qu'il a éprouvé et par ce qu'il a vécu, va peut-être au fond, pardonnez-moi l'expression, cracher le morceau, mais elle n'est pas trop vulgaire pour quelque chose qui est extrêmement, qui est si terrible que ce qui a été vécu là. Alors à ce moment-là, le psychiatre, il est plus si aimable, il est plus si gentil. Je sais bien que certains considèrent que finalement tout le film est un jeu de rôle. Mais il y a un certain nombre d'indices qui nous montrent que ce n'est peut-être pas si sûr, notamment dans l'entretien continu avec le psychiatre, comme on va le voir à la fin. Mais il y a un certain nombre d'indices aussi pendant l'intrigue. Lorsqu'il y a cette scène où il rentre dans cette espèce de grande forteresse intérieure, où il y a une architecture à la Piranèse, là aussi Scorsese a fait un travail extraordinaire, et on voit les prisonniers qui sont aussi des cobayes, là il y a quelque chose d'absolument effrayant, et il tombe sur un personnage qu'il croyait être celui qu'il cherchait, Andrew Ladis, qui a brûlé l'immeuble où sa femme est morte. Et l'autre lui dit, un prisonnier lui dit, mais non, on te fait croire que Andrew Ladis et toi c'est pareil. Et finalement, on va s'apercevoir que le docteur Colley va lui dire, mais non, vous êtes Andrew Ladis. Donc il va lui faire changer d'identité. Et là, il y a, pour le spectateur, il faut qu'on choisisse, comme vous le dites, entre est-ce qu'on est dans la tête du personnage, ou est-ce que tout de même la tête du personnage est mise en abîme dans le monde extérieur, mais le monde extérieur lui-même est pris en abîme dans la conscience, dans notre conscience et dans celle du personnage. Et on n'en sort pas. Mais c'est notre condition. Ladis. Ladis? That's pretty damn funny. Your voice. Don't you recognize it? After all the talks we had? After all the lies you told me? Va s'éteindre ton allumette. Ce qui t'amène ici, c'est pas la vérité. Si, au contraire, et je veux l'exposer au grand jour. Ce qui t'amène ici, c'est toi. Et Ladies. C'est la seule raison de ta présence ici. George. George Noyce. Oh non. C'est impossible, tu peux pas être là. Tu trouves ça chouette? Qui t'a fait ça, George? C'est toi qui as fait ça. Qu'est-ce que tu me racontes? Toutes tes histoires, tout ton baratin à la con, je me retrouve ici par ta faute! Dis-moi comment ils t'ont fait revenir ici. Ils savaient tout! T'as pas compris encore? T'enquêtes sur rien du tout. T'es qu'un rat dans un labyrinthe. Tu te trompes, George, tu te trompes. Oh, tu crois ça? Depuis que t'es là, t'as beaucoup été seul. Je suis avec mon équipier, alors? T'avais jamais travaillé avec lui avant? George, écoute, je connais plutôt bien les gens, j'ai confiance en ce type-là. Alors c'est trop tard, ils ont gagné. Cette rencontre avec George Noyce, c'est le moment où tout bascule. Hein. On est à 1h11 très précisément du visionnage du film, et c'est le moment où le spectateur se demande si effectivement le Marshall ne serait pas lui-même fou. C'est ce que le personnage de George Noyce, donc le prisonnier derrière les barreaux, tente de lui faire comprendre. Il lui dit que c'est lui qui est fou, qu'il n'y a jamais eu d'enquête. Et il dit surtout que son visage a été tuméfié par Ladies. Et c'est là où on se dit que finalement, peut-être que Ladies, c'est Daniel. Mais le spectateur que nous sommes ne peut pas céder à cette intuition. On dit que c'est pas possible, qu'on ne peut pas avoir été nous-mêmes instrumentalisés à ce point pour en arriver à un retournement total de situation. On est réfractaire à entendre ce qui est délivré ici, Jean-Philippe Domecq. Oui, d'autant plus réfractaire que la scène, toute la séquence d'ailleurs, est extrêmement pénible. Hein. On se demande à chaque pas ce qu'on va voir. Il y a ces prisonniers en cage. D'ailleurs, Scorsese a probablement pensé à cette scène d'Orson Welles dans le procès qu'il a tiré de l'œuvre de Kafka, lorsque Joseph K. visite l'atelier du peintre des avocats et des juges. Et il y a cette structure en lamelles avec de la lumière qui rentre de façon entrecoupée et des glapissements autour, de gens autour du lieu. Bon, ben là, c'est pareil. Et ce qui se passe, c'est que George Noyce, qui d'ailleurs, l'acteur joue d'une façon absolument paroxystique, là aussi, se grattant la tête, il est bourré de plaies, il a un œil torve et l'autre qui le regarde de façon, avec un œil très bleu, très clair et très pénétrant. Qu'est-ce qu'il fait, ce George Noyce? Il l'avertit de ce qui le menace, mais en même temps, il le culpabilise. Alors donc, il lui dit « c'est de ta faute ». Mais la faute de quoi? Décidément, il y a des fautes de tous les côtés, y compris d'ailleurs peut-être de ce qui s'est passé au moment de l'ouverture des camps d'Auschwitz et de Dachau. On s'aperçoit que le thème de la culpabilité, ici, trouve son point d'exacerbation maximale. Et c'est peut-être ça qui va être décisif pour la suite, car comme vous le dites, c'est au point cardinal du film. On est exactement à la moitié du film, le film dure 2h10. Hein. Et d'une certaine façon, la culpabilité ici fait que ce que lui dit George Noyce, il va le prendre sur lui, Teddy Daniels. Il va le prendre sur lui, alors que finalement, il n'a pas dit qu'il était Andrew Ladies. Ce n'est pas vrai. C'est le docteur Colley qui ensuite va lui dire, quand on va être à la scène finale dans le fameux phare, où il va lui dire que c'est la même chose. Et à ce moment-là, on entend très bien dans le dialogue que Teddy Daniels dit au docteur Colley, mais non, je n'ai pas dit que je suis. Il n'a pas dit que j'étais Ladies. Il a dit Ladies et toi. Ladies et toi. Et l'autre ne veut pas entendre. Le docteur Colley ne veut pas entendre cela. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? C'est très exactement le dialogue suivant. Teddy Daniels dit, vous pensez me convaincre que je suis cinglé, c'est ça? Et le docteur Colley lui dit de façon extrêmement froide, j'ai besoin que vous acceptiez la réalité. Mais qu'est-ce que c'est que cette définition unilatérale de la réalité? Là, cette fois, le psychiatre n'est plus du tout celui qui essaye d'être compréhensif au sens de rentrer dans une autre logique, comme nous l'a appris Freud, entre autres. Non. Et d'ailleurs, le personnage principal, Teddy Daniels, conclura la discussion en lui disant « Vous ne m'avez pas lâché, hein, docteur, vous ne m'avez pas lâché ». Mais pourquoi il n'a pas lâché? Pas nécessairement pour le soigner. C'est parce qu'il s'est aperçu que ce personnage va sortir les choses, va dire qu'il se passe là quelque chose, une expérimentation, en pleine guerre froide en plus, hein, faut rappeler le contexte. Il y a une allusion aux communistes. Et puis il y a quand même aussi, autour du docteur Colley, des personnages qui sont fort peu sympathiques, c'est le moins qu'on puisse dire, notamment le médecin psychiatre allemand, génialement interprété par Von Sydow, qui lui aussi est mort il y a peu de temps. Et lorsqu'ils se rencontrent dans le salon du docteur Cowley, Teddy Daniels et lui, ils ne peuvent pas se souffrir dès le premier regard. Le médecin nazi lui dit « Vous croyez en Dieu ?» Et spontanément, ce brave jeune Américain qu'est Teddy Daniels lui répond en allemand et ne lui parlera qu'en allemand. Ouais. Donc, tout de même, il y a un certain nombre d'indices qui sont déposés pour nous montrer que nous-mêmes, spectateurs, nous sommes devant ce qui nous est montré, mais comme devant la vie, après tout, et devant la grande histoire humaine. Et les indices montrent que, en effet, l'enquête qu'il a menée risque de faire exploser le système de l'intérieur. Or, il s'est passé des choses quand même pas très belles aux États-Unis, dans le travail psychiatrique, et où on a effectivement utilisé, alors je parle avec 150 guillemets, un certain nombre de résultats d'expérimentations menées dans les camps de concentration par un certain nombre de médecins nazis. Et c'est pas anodin que ce soit dans un phare que se dénoue, enfin se dénoue, pas vraiment, parce qu'au fond... bien malin, celui qui pense détenir la vérité sur ce film. Mais en tout cas, c'est dans le phare cristallise toutes les craintes de Daniels. Il le voit à la fois comme le lieu d'expérience héritée des nazis et comme l'endroit où se déroule la lobotomie. Et finalement, aucune de ces craintes ne seront totalement imaginaires. Si bien qu'en fait, on se trouve à un niveau presque paroxystique de deux niveaux interprétatifs. Soit il y a une machination. C'est-à-dire c'est le fruit d'une collaboration entre les psychiatres et l'État contre Daniels lui-même. Et alors, elle est à son comble. Soit Daniels est vraiment allé aussi loin dans ses hallucinations, il est en train d'halluciner ce qui est en train de se passer, et alors il est véritablement fou et doit être interné immédiatement car extrêmement dangereux. Et on ne sait pas au moment où on regarde le film. C'est-à-dire que là où c'est redoutablement bien fait, et pour ça que je vous disais que le romancier construit ses intrigues d'une façon extrêmement rigoureuse et implacable, c'est que plus le personnage se débat, plus le filet se resserre autour de lui. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il est le plus fou de tous dans l'histoire. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que il a des raisons de venir dans cette île des morts, dans cette île de l'expérimentation sur la folie. Il a des raisons. Il veut retrouver un personnage qui a été responsable de l'incendie où a péri sa femme, et en même temps, il veut enquêter sur les expérimentations, parce qu'il découvre les expérimentations. Il en prend conscience peu à peu. Il n'a pas les moyens de décrypter sur un plan, je dirais, théorique, mais il comprend très bien. Souvenez-vous de la façon dont il commence son enquête auprès des là encore, je prends le mot « fou » avec 15 guillemets, parce qu'il m'incommode, hein, les interrogatoires des fous et des folles, et de la folle. Et la scène est d'ailleurs extrêmement pénible. Hein, ils viennent lui parler, un à un, et il y a une des patientes qui lui signifie en douce qu'il faut absolument qu'il parte, que s'il rentre dans cette logique, il est perdu, comme ils le sont tous. Là, il y a un témoignage aussi, là aussi, il y a un renversement qui s'opère, et qui est extrêmement douloureux, d'ailleurs, parce que ces patients... On sent leur malaise, et on sent le malaise qu'ils diffusent. Il y en a un qui est absolument odieux, d'ailleurs. Donc là, si vous voulez, le personnage, il est confronté à cela. Il n'en sort pas indemne, là, non plus, voyez. Là aussi, il est confronté à ce que c'est que l'expérimentation de la psychiatrie, les silences qu'il entend autour de lui, de la part des médecins, de la part des infirmiers. Il y a comme une conspiration du silence, aussi, autour de ce qui se joue, de ce qui s'expérimente là. Mais lorsqu'il rencontre enfin celle qui est considérée comme la vraie Rachel Solandow, dans une caverne en plus, je voudrais pas insister trop sur le plan philosophique, mais quand même, hein, au pied de cette falaise, qui entre parenthèses est magnifiquement filmée, avec tout l'artifice aussi voulu par Scorsese, puisque le ciel agité, on a l'impression de retrouver les tempêtes et les cieux agités des films des années 50, de la période d'Hitchcock. Bon, et tout d'un coup, il rentre dans cette caverne, au sommet de cette falaise, et au pied de laquelle il y avait toute une population de rats envahissant de tous les côtés entre la roche et la mer. Il voit une Rachel Solandow plus âgée que celle qu'il a vue dans sa cellule, et elle finit par lui dire, elle a été une psychiatre qui a compris ce qui se passe dans le lieu d'expérimentation. Elle lui explique cela, qu'on essaye des neuroleptiques, mais qu'en même temps on continue la lobotomie, etc. Et elle lui dit à la fin, « Ils feront d'un événement de votre passé la cause de votre folie. Mais à ce jeu-là, tout le monde sombre. Chacun d'entre nous sombre. On peut toujours prendre un élément du passé et ensuite le remuer de telle façon, le construire de telle façon, qu'on vous le renvoie au cas où vous seriez gênant, au cas où vous diriez gênant ou gênante, et où vous diriez quelque chose qui va déjouer le principe de réalité qui, on le sait, est toujours très fragile, il est toujours très idéologique, il est toujours très construit, conceptuellement construit. Ce que vous dites, c'est qu'en fait, c'est même les moments d'hallucination sont des moments de grande vérité, parce qu'ils décrivent et dénoncent sans doute un certain état de fait psychiatrique, alors même que la scène est sans doute hallucinée par le cerveau du personnage. Ah, vous dites sans doute, nous sommes tous les deux à nous demander qui peut dire où est le critère qui va permettre de dire qu'il n'y a pas de doute. On est dans le doute profond. Je pense qu'on est dans le doute profond. L'hallucination est une exacerbation de ce qu'il découvre. C'est un contre-choc, mais le contre-choc, il est non seulement compréhensible, mais il n'est que le reflet de ce qui est. Alors, il faut qu'on arrive à la fin, Jean-Philippe Domecq, c'est la fin de l'émission dans quelques minutes, et je voudrais quand même qu'on commente cette fin, d'autant que savoir quelles sont ces phrases de fin ne révèle rien finalement du film, tant on l'a dit, la signification et la conclusion est impossible à trouver. On croit un instant comprendre la vérité, c'est-à-dire qu'on se met du côté du psychiatre et on comprend que le personnage principal serait sans doute lui-même fou. On attend de voir si le lendemain matin, il gardera ce bon sens ou s'il aura à nouveau basculé du côté de la maladie. Et finalement, en une seconde, il refait jouer à son psychiatre le rôle de son partenaire, d'un autre Marshall. Mais il prononce une phrase assez incroyable que vous allez entendre, c'est la dernière phrase de l'extrait, qui nous laisse penser que finalement, c'est lui qui sait mieux que les autres et qu'il est en train de jouer au fait qu'il est en train de jouer et que c'est lui qui se joue des autres et qui détient la vérité. Écoutez. What's our next move? You tell me. Gotta get off this rock, Chuck. Get back to the mainland. Whatever the hell's going on here, it's bad. Cet endroit me laisse un peu perplexe. Ah ouais, chef, et pourquoi ça? Qu'est-ce qu'il y a de pire pour vous? Vivre en monstre? Ou mourir en homme de bien? Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Alors, en effet, cette fin est absolument décisive. Elle ne tient qu'en 3 minutes. Mais c'est comme pour le film Usual Suspect, ce sont les dernières minutes qui font reconsidérer tout l'ensemble. Or, la séquence qui précède celle-ci, on le voit sur un lit, et autour de lui, il y a les deux médecins psychiatres. Et il récite ce qu'on lui a demandé de réciter. Oui, je suis Andrew Ladis. Oui, je suis, etc. Et il récite vraiment ce qu'on lui a demandé de dire. Il admet, en apparence, ou peut-être en réalité. Puis, séquence suivante que vous avez fait passer, où le visage est dégagé. Il a le visage le plus dégagé qu'il a jamais eu dans le film. Jamais il n'a été comme cela. Mais c'est comme s'il avait compris définitivement quelque chose. Il met le point sur le « i ». Mais il nous met le point sur notre « i ». Car devant lui, sur le parc, il y a un certain nombre d'infirmiers, et il y a un infirmier qui tient un scalpel à lobotomie dans une serviette blanche. Donc on est prêt si jamais il donne pas la bonne version. Et quand il se demande s'il faut être homme de bien ou monstre, mais dans un monde, dans un univers, dans une histoire humaine, où il y a eu un tel cauchemar, où il y a un tel cauchemar, de toute façon c'est pas la peine d'essayer d'en sortir. Je pense que vraiment là, et il choisit finalement, il préfère être lobotomisé qu'être un homme de bien ou un monstre, les deux reviennent au même, dans un monde où effectivement la folie humaine a été à ce point possible contre l'humain. Eh bien, on se quittera avec cette phrase, hein. Méditons-la, vaut-il mieux vivre en monstre ou mourir en homme de bien? Je ne sais pas si quelqu'un a une réponse à cette question, enfin chacun a peut-être la sienne. C'est tout l'intérêt de ce film. Merci beaucoup Jean-Philippe Domecq de nous en avoir parlé ce matin. Merci beaucoup de m'avoir invité à en parler, de ce film si douloureux mais si puissant. Eh bien, je crois que je vais le regarder à nouveau d'ailleurs, j'espère que les auditeurs en feront de même. À bientôt et merci beaucoup. À bientôt. And a dream light in your eye. I could not seem to get a line on you, my sweet honey lover. Rubber jewelry jangling down the street, making bloodshot eyes at every woman that you meet. I could not seem to get a high on you, my sweet honey lover. Maybe the good Lord shine a light on you, make every song the same, your favorite tune. Maybe the good Lord shine a light on you, warm like the evening sun. Drunk in the alley with your clothes all torn, and your late night friends will leave you in the cold gray dawn. Just seen too many flies on you, I just can't brush them off. Écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, il est l'heure comme tous les jours de retrouver le journal de la philo présenté par Géraldine Mousnat-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même, c'est incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. J'aimerais parler aujourd'hui d'un terme qu'on entend un peu tout le temps, à toutes les sauces, à propos de tout et n'importe quoi, la flexibilité. Flexibilité du travail, de l'éducation, du marché, ce mot devenu un mantra, j'ai eu moi-même l'occasion de le répéter et de me le répéter à tout va pendant le confinement. Sois flexible, adapte-toi, réponds un mail, échange une couche, mets un masque et souris, sois patiente mais fais les choses plus rapidement. Pourquoi la flexibilité est-elle devenue la chose la plus crispante qui soit ? La flexibilité. Pourquoi pour moi la flexibilité c'est un super pouvoir ? Ben parce que ça change la vie tout simplement. Quand vous faites preuve de flexibilité, vous pouvez directement et concrètement être plus heureux parce que vous écartez beaucoup de sources de frustration, d'irritation, de colère, de tristesse, etc. Rien de plus désirable a priori que la flexibilité. Quand on se penche sur les différentes définitions du mot, qu'il s'agisse de psychologie, d'économie ou de physique, elle semble cette souplesse à toute épreuve. C'est le grand écart de la vie, c'est la sortie perpétuelle de la zone de confort, l'aisance dont rêve l'adolescent maladroit ou l'entreprise qui veut diversifier ses activités. La flexibilité ou la facilité incarnée, partout, tout le temps, en toutes circonstances. Pourtant, rien de moins facile qu'elle. On a beau vouloir être flexible, la flexibilité, elle, n'est pas donnée. Il faudrait être flexible, Mais comment? C'est toute la question et tout le problème. Toutefois, ce problème de la flexibilité n'est pas que dans ce comment, dans cette idée paradoxale d'une souplesse dure à acquérir, dans cette facilité difficile à atteindre, mais aussi dans cette idée qu'elle serait normale, la chose à vouloir, la chose à faire, l'état dans lequel être. Et pourquoi? Pourquoi serait-il au fond désirable d'être souple tout le temps? Pourquoi serait-il normal d'être à l'aise partout? S'adapter, ça signifie quoi? Ça signifie vivre avec son temps, savoir bouger avec la société, comme François. Naturellement, une seule devise. Pour changer de vie, changer la vie. Hein ? Récemment, deux livres, sans en faire leur objet principal, critiquent cette idée de flexibilité brandie par le néolibéralisme et le management capitaliste. La philosophe Barbara Stiegler, avec son essai « Il faut s'adapter sur un nouvel impératif politique », et l'historien Joanne Chapoutot avec son ouvrage « Libre d'obéir, le management du nazisme à aujourd'hui ». En creux, ces deux livres se demandent pourquoi la flexibilité, cette capacité pas ordinaire, serait-elle devenue la norme aujourd'hui? Et à plus de 2 mois confinés, eh bien je me pose la même question. Pourquoi serais-je flexible à tout prix? Pourquoi serait-il acceptable de pouvoir tout faire en même temps? Et même en dehors du travail ou de l'éducation d'ailleurs, pourquoi cette qualité serait-elle bonne en tant que telle? Certes, c'est bien dans un certain contexte politique et sanitaire, celui d'une crise pandémique, et c'est bien confronté à l'exigence d'assurer une organisation entre télétravail et enfants que cette question s'est imposée à moi. Mais je dois dire qu'en y réfléchissant, la flexibilité m'a interpellée bien au-delà de ça. Car en demandant « pourquoi être flexible ?», je me suis autant demandé dans quel but, pour qui ou pour avoir quoi de plus que « à quoi bon ?». En quoi est-ce bien d'être souple, adaptable, facile, malléable? Le paradoxe de la flexibilité est qu'on ne cesse de vanter sa qualité alors qu'elle condense quand même la mollesse, l'idée de fléchir, c'est-à-dire de perdre en force, et le fait en plus d'être d'accord avec tout ça. Être flexible, c'est être d'accord non seulement avec l'idée de se soumettre volontairement, mais aussi de se fondre activement dans le décor, avec le fait d'être une sorte d'éponge consciente. Comment être d'accord avec ça? Plie-toi en 2, plie-toi en 4. Acquière les bons réflexes, comme une poupée latex. Cultive ta flex, flexibilité. Flex, flex, flex, flex, flex, flex. Flexibilité, flexibilité. Ce qui me frappe avec les éloges de la flexibilité, c'est qu'elles n'en font pas de même avec la mollesse, l'indétermination, la soumission ou le conformisme. Et ce qui me frappe d'autant plus, c'est qu'on ne trouve jamais à l'inverse d'éloges de la crispation, de la maladresse ou du malaise. Pourtant, il n'y a parfois rien de plus touchant que ce sentiment de malaise, que cette sensation d'inconfort, que ce moment où on n'y arrive pas. On ne veut pas faire avec, on ne veut pas faire face, où on refuse de s'adapter et de sortir de cette insupportable zone de confort. Je ne vante pas les mérites du malaise ou de l'inconfort en tant que tel, mais dans ces formes de crispation se révèle, je crois, une chose importante. L'attachement que l'on a tous pour des principes, des manières d'être, des usages, des goûts, et la résistance que l'on éprouve à ne jamais les faire flancher. Merci Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour, confinement ou pas, à préparer ces émissions. Clara de Giovanni aujourd'hui en compagnie de Manon de la Selle, Isis Jourda, Géraldine Bosna-Savoie, Anaïs Isbert. C'est Nicolas Berger qui a réalisé cette semaine scorsésienne pour vous. À la prise de son aujourd'hui, c'était Thibaut Nussimben, à la lecture du texte Maëlys Ricordo. Merci au CDM de Radio France qui a assuré la liaison. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle semaine autour du théâtre. Lundi, Olivier Py vous racontera Hamlet de Shakespeare. Mardi, Stéphane Braunschweig vous parlera de Tartuffe. Mercredi, Julie Brochen de Bérénice de Racine. Et enfin, jeudi, c'est Masha Makeyev qui vous emmènera en Russie avec la fuite de Bougalkov. D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission, mais aussi la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Et l'équipe vous donne également rendez-vous sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter. Nous sommes toujours ravis de lire vos commentaires. À lundi, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.